Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Tome 4, supplément. Question 71. Des suffrages pour les morts. Que les morts sont secourus par les vivants, le sont-ils par les pécheurs? Les suffrages faits pour les morts servent-ils aux vivants qui les font? Les damnés n'en retirent-ils aucun fruit? Utilité des suffrages pour les âmes du purgatoire. Principaux suffrages, la prière, la messe et l'aumône, des indulgences, des funérailles, les suffrages communs et les suffrages particuliers. 1. Les suffrages de l'un peuvent-ils profiter à l'autre? Je participe, Seigneur, au mérite de tous ceux qui vous craignent. Psaume 118, 63. La béatitude proprement dite n'est accordée qu'à nos mérites personnels, nul n'en devient digne d'après ce que je fais. Nous pouvons toutefois, par mode de prière, obtenir pour un autre la grâce de la mériter, car la prière s'étend à toutes les choses soumises à la miséricorde et à la puissance de Dieu. En ce qui est des récompenses accessoires, et, en particulier, de la remise des peines temporelles, les œuvres de l'un peuvent profiter à l'autre, non seulement par la voie de la prière, mais encore par celle du mérite, premièrement, en vertu de la charité, qui, comme principe radical de tout mérite, produit la communion des saints, secondement, par une intention spéciale, qui, transférant à une personne, à titre de don, la propriété d'une prière ou d'une bonne œuvre, lui permet de s'en servir pour satisfaire à ses péchés ou pour mériter certaines grâces. 2. Les morts sont-ils secourus par les œuvres des vivants? Il est écrit, c'est une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. 2. Maccabée 12, 46. Les suffrages des vivants sont donc utiles aux morts. Ce n'est pas une faible autorité, disait saint Augustin, que celle de l'Église universelle qui a coutume, au saint sacrifice de la messe, de recommander à Dieu les âmes des défunts. Cet usage, au témoignage de saint Denis l'Aréopagite, remonte à la primitive Église. La charité, qui relie dans un seul corps tous les membres de l'Église, embrasse non seulement les vivants, mais encore les morts décédés en état de grâce, car elle est la vie de l'âme, comme l'âme est la vie du corps. La charité ne s'éteint pas, a dit saint Paul, 1 Corinthiens 13, 8. De leur côté, les vivants qui conservent la mémoire des morts peuvent diriger leur intention vers eux. Par conséquent, les suffrages des vivants servent aux morts, comme aux vivants eux-mêmes, de deux façons, par l'union de la charité, et par l'intention de celui qui les fait. Ils ne changent point leur état essentiel, sans doute, mais ils allègent leur peine, en leur obtenant des grâces. 3. Les suffrages des pécheurs servent-ils aux morts? Dans les suffrages des pécheurs en faveur des morts, il y a deux choses à distinguer, l'œuvre opérée, et l'action de celui qui l'opère. L'œuvre opérée a-t-elle, comme le sacrifice de la messe et les sacrements, une efficacité intrinsèque, indépendamment des dispositions de celui qui l'accomplit? Les suffrages des pécheurs sont utiles aux morts. Sous le second point de vue, il faut faire une nouvelle distinction. Les pécheurs, dans leurs suffrages, agissent-ils en leur propre nom? Ils ne sont pas utiles aux défunts. Représentent-ils une autre personne, par exemple, l'Église, comme le prêtre dans les funérailles, ou un agent principal dont l'action est méritoire? Leur acte, qui, dans ces deux cas, appartient à autrui, peut très bien servir aux morts. Ainsi un serviteur coupable de péché mortel peut faire une œuvre de miséricorde par l'ordre de son maître, jouissant de l'état de grâce. Il suit de ces principes que si un chrétien, mourant dans la charité, prescrit des suffrages pour le repos de son âme, ou qu'un pieux fidèle en commande à son intention, ces suffrages lui sont utiles alors même que les ministres qui les font n'ont pas la charité. Ils lui profiteraient toutefois beaucoup plus, s'ils étaient accomplis par un ministre en état de grâce. Voyez partie 3, question 82, du ministre de l'Eucharistie, article 6. La messe d'un mauvais prêtre vaut-elle moins que celle d'un bon ? Note. Ce serait une doctrine fausse de soutenir que Dieu n'écoute jamais les pécheurs, il les exauce quand ils lui demandent des choses qui lui sont agréables, en répandant ses bienfaits, non seulement sur les justes, mais encore sur les méchants, il agit par libéralité et par clémence. Il est écrit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean 9, 31. Mais celui qui a prononcé cette parole était un juif qui, n'ayant pas encore reçu l'onction du Sauveur, ne voyait pas parfaitement. Fin de la note. 4. Les suffrages pour les morts servent-ils aux vivants qui les font? Les suffrages faits à l'intention d'un défunt peuvent être considérés à un double point de vue, d'abord, comme expiant le péché par une compensation, et, sous ce rapport, devenus en quelque sorte l'œuvre de celui pour qui ils sont accomplis, ils la franchissent de sa peine, sans décharger de la sienne celui qui les fait, les peines de deux péchés exigent une plus grande satisfaction que la peine d'un seul. Ensuite on peut considérer ces suffrages comme méritant la vie éternelle, en vertu de la charité qui en est le principe. À cet égard, ils servent non seulement à celui pour qui ils sont faits, mais encore et davantage à celui qui les fait. 5. Les suffrages servent-ils aux réprouvés de l'enfer? Quelques auteurs ont soutenu que, avant le jugement dernier, les damnés qui ont reçu les sacrements et pratiqué des œuvres bonnes en elles-mêmes sont soulagés par les suffrages de l'Église, de telle sorte que leur peine en est diminuée, bien qu'elle ne soit jamais, comme l'a prétendu faussement Origène, entièrement détruite. D'autres ont avancé que les suffrages servent aux damnés, non en diminuant leur peine, mais en les fortifiant contre leurs souffrances, et ils ont cité pour exemple un homme qui, portant un lourd fardeau, reçoit des forces lorsqu'on lui répand de l'eau sur le visage. D'autres ont imaginé que nos suffrages, apprenant aux damnés qu'ils vivent encore dans la mémoire des hommes, leur épargnent un surcroît de tristesse que le délaissement absolu leur ferait ressentir. Les deux premières opinions, contraires à l'enseignement des pères, ne soutiennent pas l'épreuve du raisonnement, car les damnés sont hors de la charité, en vertu de laquelle les bonnes œuvres des vivants sont appliquées aux morts. Ils ont, comme les saints du ciel, atteint le terme de leur pèlerinage, et leur malheur éternel est essentiellement fixé. Le troisième sentiment ne peut pas non plus être soutenu comme fondé sur une loi commune. Les morts, dit saint Augustin, et cette remarque s'applique principalement aux damnés, ne voient point ce qui se passe parmi les hommes. Ils ne sauraient conséquemment connaître nos suffrages que par une révélation spécialement accordée à quelques-uns en dehors de la loi générale, et rien ne prouve que cette révélation ait lieu. Il est donc plus sûr d'enseigner purement et simplement que les suffrages des vivants ne servent point aux damnés, et que l'Église n'entend pas leur appliquer les siens. Note. Nous avons mentionné les diverses opinions qui ont régné sur ce sujet, parce que l'Église n'a condamné que celle d'Origène. Saint Thomas les expose et les examine avec une sorte de condescendance, tout en les rejetant comme erronés. Fin de la note. 6. Les suffrages servent-ils aux âmes du purgatoire? Il n'est nullement douteux que les suffrages des vivants ne soient utiles aux âmes du purgatoire. On a vu précédemment que les bonnes œuvres d'un fidèle peuvent accomplir la satisfaction d'un autre, vivant ou mort. Note. Le péché ne reste pas impuni lorsque nos suffrages délivrent les âmes du purgatoire, notre œuvre devient leur satisfaction. Fin de la note. 7. Les suffrages des vivants sont-ils utiles aux enfants qui sont dans les limbes? Utiles seulement aux morts sortis de ce monde avec la charité? Les suffrages ne sont d'aucun secours aux enfants qui, faute du baptême, sont retenus dans les limbes. Les œuvres des vivants ne changent point l'état des morts en ce qui est de la récompense ou de la peine essentielle. 8. Les suffrages servent-ils au sein du ciel? Priez pour un martyr que nous devons invoquer, disait saint Augustin, ce serait lui faire injure. Comblés des biens de la maison de Dieu, exemple de tout mot, les saints du ciel ne sont aidés en aucune façon par les suffrages de l'Église. 9. Les prières de l'Église, le sacrifice de l'autel et les aumônes sont-ils utiles aux morts? Il y a trois secours principaux que nous pouvons donner aux défunts, le sacrifice de l'Eucharistie, qui contient la source même de la charité, Jésus-Christ, en qui l'Église est unie, les prières adressées à Dieu particulièrement pour chacun d'eux, et l'aumône, le principal acte de la charité. Le jeûne, et généralement toutes les autres bonnes œuvres accomplies à leur intention, leur sont aussi très utiles. Note. Dans la messe, il y a tout à la fois le sacrifice et la prière. Les offrandes de cierges ou d'huile sont utiles aux morts comme aumônes faites à l'Église pour le culte divin ou pour l'usage des fidèles. Fin de la note. 10. Les indulgences de l'Église sont-elles utiles aux morts? Les indulgences ne sont pas directement utiles aux morts, qui ne peuvent faire aucune des œuvres auxquelles elles sont attachées, mais elles leur servent indirectement, lorsque l'indulte qui les accorde, est conçu sous cette forme. Celui qui fera ceci ou cela gagnera telle indulgence, soit pour lui-même, soit pour les âmes du purgatoire. L'Église peut appliquer aux défunts aussi bien qu'aux vivants les mérites du trésor commun où elle puise les indulgences qu'elle concède. 11. Les pompes funèbres sont-elles utiles aux morts? Les pompes de la sépulture sont utiles aux vivants et aux morts, elles raniment parmi nous la foi à la résurrection, elles obtiennent aux morts des prières qui les recommandent à la protection des saints. Elles figurent en outre parmi les aumônes, à raison des dépenses qu'elles entraînent, soit en faveur des pauvres, soit pour la décoration des temples. Note. Les cierges et l'huile qui brûlent sur les tombeaux soulagent accidentellement les défunts, tant parce que ces choses sont données à l'Église ou aux pauvres, que parce que la pompe des funérailles se fait en l'honneur de Dieu. Les cierges et l'huile, disait saint Jean Damascène, sont des holocaustes. Fin de la note. 12. Les suffrages qui se font pour un défunt en particulier lui servent-ils plus qu'aux autres? Il y a à cet égard deux sentiments. Quelques-uns enseignent que les suffrages faits spécialement pour un défunt servent davantage à ceux qui en sont plus dignes. Tout ainsi que le flambeau spécialement allumé pour un riche éclaire également toutes les personnes qui sont dans le même appartement, et davantage celles qui ont une meilleure vue. D'autres, ne partageant pas cette doctrine, disent, au contraire, que les suffrages appliqués spécialement à un défunt lui servent plus qu'aux autres. Ces deux opinions ont l'une et l'autre un côté vrai, car les suffrages pour les morts doivent être appréciés à un double point de vue. En vertu de la charité, qui rend tous les biens communs, il profite davantage aux âmes qui ont plus de charité, bien qu'il ne soit pas fait pour elles, et leur effet consiste alors dans une certaine consolation intérieure que les défunts très charitables éprouvent en voyant diminuer la peine d'un autre défunt. Mais, en tant que les suffrages tirent leur valeur de l'intention du vivant qui les applique à l'un d'eux comme une satisfaction qu'il lui transmet, ils servent davantage, et, pour parler avec plus d'exactitude, ils servent uniquement à celui pour qui ils sont faits. C'est pourquoi, quant à la rémission de la peine, les suffrages sont principalement utiles à ceux pour qui on les fait, et, sous ce rapport, la seconde opinion est plus dans le vrai que la première. Note. Quoi, dira quelqu'un, les pauvres, pour qui on ne fait que très peu de suffrages, ont-ils donc une pire condition que les riches? Rien n'empêche que la condition des riches, en ce qui est de l'expiation, ne soit meilleure que celle des pauvres, puisque, par rapport au royaume des cieux, l'état de ces derniers est préférable à celui des riches. Comme le marque cette parole, « Bienheureux les pauvres, parce que le royaume de Dieu est à eux. » Luc 6, 20. Fin de la note. 13. Les suffrages que l'on fait pour plusieurs défunts leur profitent-ils autant que s'ils étaient faits pour chacun d'eux? Si les suffrages appliqués à plusieurs morts leur procuraient à tous autant de soulagement qu'ils en donneraient à un seul, l'Église n'aurait pas établi l'usage de dire la messe pour tel ou tel défunt en particulier. Au point de vue de la charité, qui unit tous les membres de l'Église, les suffrages donnent autant de joie à chacun des défunts que s'ils étaient faits pour un seul d'entre eux, car la charité, au lieu de s'amoindrir, s'accroissant par sa division même, les âmes du purgatoire se réjouissent davantage du bien partagé par un plus grand nombre. Mais, envisagées, dans l'intention qui les applique, comme des satisfactions transmises aux morts, les suffrages faits en particulier pour un seul défunt lui sont indubitablement plus utiles que ceux qui sont appliqués tout ensemble à lui et à plusieurs autres, puisque, dans ce dernier cas, la justice divine en partage le mérite entre tous ceux auxquels ils sont destinés. Ce n'est pas pour une autre raison que l'Église a établi l'usage de prier spécialement pour tel ou tel défunt. 14. Les âmes qui n'ont pas de suffrage particulier retirent-elles autant d'avantages des suffrages communs que celles pour qui on prie en particulier et en général? Par là même que de bien l'emportent sur un seul, les suffrages à la fois spéciaux et communs servent plus aux défunts pour qui on les fait que les suffrages communs sans les suffrages particuliers, nous l'avons établi dans le 12e article. Note. Quoique la vertu du Christ renfermée dans l'Eucharistie soit infinie, elle est appliquée d'une façon limitée. Une seule messe ne délivre pas nécessairement une âme du purgatoire, pas plus qu'elle ne dispenserait un vivant de toute satisfaction pour ses péchés. Si les suffrages faits pour un mort vont au-delà de ses besoins, il est vraisemblable que la divine miséricorde en applique l'excédent à d'autres âmes. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.